Chapitre 10e, l'expédition de l'institutrice. Herbert était assis par un beau soir d'avril dans le jardin du club de Poméranie. Il était perché sur le dossier d'un banc et se balançant, le talon d'une botte sur le siège, faisait danser son autre pied. Avril touchait à sa fin et les rayons dorés du soleil couchant venaient illuminer la figure de Herbert. Il était permis de supposer qu'il s'était établi là pour jouir plus à l'aise de l'air parfumé du coucher du soleil, mais le fait est qu'il ignorait totalement si l'astre du jour se levait ou se couchait, si la soirée était heureuse ou embaumée, tant il était plongé dans ses réflexions. Le cas qui embarrassait Herbert, nous le connaissons tous plus ou moins, il s'agissait d'une détresse pécuniaire. Il y avait longtemps que Herbert s'enfonçait dans les dépenses, il avait toujours manœuvré de façon à sortir, mais ses expédients tiraient à leur fin. Il n'était pas prévoyant, mais il ne pouvait s'empêcher de voir que les ennuis allaient pleuvoir sur lui. Il ne découvrait aucun moyen d'y échapper. Son père affirmait qu'il ne pouvait plus lui venir en aide, mais ce dernier répétait sans cesse que ses fils lui suçaient le sang. Anthony passait au bout de l'allée. Il se tourna d'un autre côté. Herbert le regarda avec colère. « Allons, par ici !» lui cria-t-il. « Ne file pas parce que tu me vois ici, j'ai à te parler. » Anthony fut pris au piège. Il filait parce qu'il avait vu Herbert et qu'il ne tenait pas positivement à se trouver en contact avec lui. Anthony était pour son propre compte dans l'embarras. Bien des sujets le mettaient mal à l'aise, et quand l'esprit est troublé, les paroles dures ne l'adoucissent pas. Il n'en avait guère eu d'autre depuis longtemps entre Herbert et Anthony. La mésintelligence existait depuis longtemps entre les deux frères. Anthony avait trompé Herbert qui lui en voulait amèrement. Anthony, nous le savons, aimait fort à signer des billets. Herbert, plus sage, ne s'en était jamais mêlé. Il était de l'opinion de son père que ce sont des instruments à deux tranchants. Évitez de signer des billets, si vous tenez à mourir dans votre lit, répétait souvent M. Dare. Herbert avait suivi longtemps ce conseil, mais le temps vint où Anthony fit en sorte que son frère le négligea. Dans un moment de grand embarras, Anthony avait persuadé Herbert de signer deux billets d'une valeur considérable, l'assurant de la manière la plus franche et la plus sincère en apparence que l'argent était déjà prêt. Herbert donna dans le piège. Non seulement l'argent n'était pas prêt, mais Anthony réussit à en rendre Herbert seul responsable. Herbert, indigné de la trahison, ne cessait de le reprocher à son frère. Anthony, qui était d'un caractère morose et sombre, était irrité de ses reproches. Aussi, tous les deux avaient-ils peine à vivre ensemble. Les billets n'étaient pas encore payés, c'était le principal souci de Herbert. Anthony, se voyant interpellé, s'avança. « Qu'est-ce qui dit que je file ? » demanda-t-il. « Est-ce que tu me juges d'après toi-même ? J'espère bien que non. » répliqua Herbert d'un ton de mépris. « Écoute-moi, je te l'ai déjà répété 50 fois, je veux régler cette affaire, et si tu ne le fais pas amicalement, je saurai bien t'y forcer. » « Entends-tu, je t'y forcerai. Essaye !» fit Anthony avec un rire moqueur, et il s'en alla tranquillement, laissant Herbert furieux. Il s'en fallut bien peu que Herbert ne s'élança sur lui pour le frapper. Ce qui l'empêcha, ce fut l'apparition de la signora Varsini. Il y a de la sagesse dans ce vieux dicton. Il faut se débarrasser d'un ancien amour avant de s'occuper d'un autre, presque autant que dans celui que répétait M. Dare au sujet des billets. Herbert aura dû planir toute chose avec la signora Varsini avant de se lier avec Annaline. Ce n'était pas cependant que la gouvernante occupa dans l'esprit ou le cœur de Herbert une autre place que celle de gouvernante de ses sœurs. Si l'on avait questionné Herbert, c'est du moins ce qu'il aurait répondu. Quant à elle, la chose était différente. Son air irrité témoignait qu'il l'avait offensée en n'allant pas dans la salle d'études prendre ce qu'il appelait sa leçon d'italien. Il est vrai qu'il était difficile d'être dans deux endroits à la fois, et que lorsqu'il passait ses loisirs dans le champ de Hatterley, il aurait eu peine à se trouver chez lui étudiant l'italien. L'institutrice sentait cet abandon. Elle en avait parlé avec amertume à Herbert. D'un caractère facile et paisible, Herbert avait essayé de la calmer, mais voyant ses efforts inutiles, il avait pris le parti de la bouder. Elle tomba sur lui toute voile déployée. Dès qu'il l'aperçut, Herbert se rappela qu'il lui avait à moitié promis la veille d'aller lui faire une visite ce même soir. « Mais voilà pris, » se dit-il. « Pourquoi me faites-vous attendre comme cela ? » commença-t-elle dès qu'elle fut auprès de lui. « Est-ce que je vous ai fait attendre, mademoiselle ? » répondit-il poliment. J'en suis très fâché, mais le fait est que j'ai tellement de soucis que je ne puis guère être en société ce soir. Vous ne m'auriez pas remercié de ma visite si j'étais venu. C'est ce qui me regarde. Quand un monsieur me fait une promesse, je crois qu'il va la tenir. Je monte à la salle d'études et j'attends. Adieu comme j'attends. J'ai acheté cet exemplaire du Tasse que vous désiriez connaître. Voulez-vous venir ? Horbord se voyait pris. Il regardait le soleil, ou du moins la place où l'on avait distingué le soleil, car il avait disparu, ne laissant derrière lui que quelques nuages roses dans le ciel grisâtre. Le crépuscule descendait rapidement. Bientôt allait venir l'heure de son rendez-vous. Il n'avait pas de temps à consacrer au Tasse et à l'institutrice. « J'irai une autre fois, lui dit-il, j'ai rendez-vous ce soir. » La figure de la jeune fille s'assombrit. « Quel rendez-vous » demanda-t-elle impérieusement. Horbert aurait pu refuser de satisfaire sa curiosité. Il eut peur d'un éclat. « Quel rendez-vous ? Oh, je vais jouer au billard avec Lord Hawksclay. » Il est revenu à Helstonleigh. « Et c'est là que vous allez tous les soirs jouer au billard avec Lord Hawksclay ?» répéta-t-elle, les yeux étincelants. « Naturellement, mademoiselle, avec Hawksclay ou d'autres. »« Menteur !» fit-elle sèchement. « Dites donc, mademoiselle !» C'est qu'un Herbert en riant. « Appelez-vous ça un langage parlementaire ?»« Et que m'importe ? Ce n'est pas avec Lord Hawksclay. Ce n'est pas au billard que vous allez. Je sais que ce n'est pas là. Et je vous dis, moi, que je joue souvent au billard, sur mon honneur. »« c'est possible !» répliqua-t-elle avec vivacité. « Mais ce n'est pas au billard que vous allez tous les soirs. Il n'y a pas un soir que vous ne sortiez maintenant. J'ai acheté le Tasse. Savez-vous que j'ai acheté le Tasse ? Que je l'ai acheté avec de mon argent. Afin que vous ayez le plaisir de me l'entendre lire, comme vous dites. Est-ce que j'aurais dépensé mon argent si j'avais su que vous ne deviez pas venir, que vous ne teniez pas à m'entendre lire ?» S'il avait été un peu plus calme, Herbert n'eût pas manqué de lui dire qu'elle était une sotte de dépenser ainsi son argent, que le Tasse lui dans l'original aurait été pour lui aussi inintelligible que le sanskrit. Il se souvenait vaguement d'avoir dit à mademoiselle qu'il aimerait lire le Tasse, en réponse à sa remarque que c'était son poète favori. Mais il l'avait dit sans y attacher d'importance, et elle avait été assez folle pour l'acheter. « Voulez-vous venir ce soir le commencer ? » demanda-t-elle d'un ton plus doux. « Sur ma parole, Bianca, je ne puis pas ce soir, » répondait-il, quelque peu embarrassé entre les deux rendez-vous. « Je viendrai une autre fois, vous pouvez y compter. » Vous m'aviez dit hier que vous viendrez ce soir, que je pouvais compter sur vous. Mais ce n'est pas ma faute, j'ai dû promettre d'aller ailleurs, j'entendrai le Tasse une autre fois. Vous ne voulez pas renoncer à votre engagement pour tenir parole à une dame, c'est bien. » Elle attacha sur lui ses yeux ardents, dont l'expression faisait presque peur. « C'est très bien, » répéta-t-il lentement. « Je sais où vous allez et ce que vous faites. » Un sourire passa sur les lèvres de Herbert. « Vous êtes bien savante, » dit-il. « Prenez garde à vous, mon ami, c'est tout ce que je vous dis. »« Voyons, mademoiselle, qu'y a-t-il donc pour que vous me parliez et que vous me regardiez comme cela ? » s'écria-t-il en essayant de tourner la chose en plaisanterie. « J'ai pourtant bien assez de chagrin sans que vous veniez en ajouter encore. Qu'est-ce qui vous chagrine ? Cela ne vous avancerait à rien de le savoir. C'est Anthony qui en est cause. Il fallait se faire pendre. »« Anthony vaut 10 fois plus que vous, » répliqua brusquement mademoiselle. « Chacun son goût, » fit négligemment Herbert. « Il est fort heureux, mademoiselle, que tout le monde ne pense pas comme vous. » Mademoiselle eut l'air disposée à le frapper. « C'est bien, » dit-elle en serrant ses lèvres pâles. « Maintenant que votre tour est venu, Bianca Varsini pourra s'en aller en enfer. Prends garde à toi, mon camarade, c'est moi qui te le dis. » « Prenez garde plutôt à votre voix, » répliqua Herbert. « Les vaches vont croire qu'il fait du tonnerre. Je voudrais que mon tour fût venu sous plus d'un rapport. De quel tour voulez-vous parler ?» « Si c'était l'achat du Tasse qui vous fâche, je vous le paierais. » Il ne pouvait s'empêcher de la chicaner un peu. Les gens exigeants irritaient son caractère facile et il commença à craindre qu'elle ne l'empêchât d'aller trouver Anna. Mais sur ce point, il fut bientôt rassuré. Elle branla la tête en murmurant quelques mots en italien et le quitta. Si Herbert avait saisi ses paroles, il ne les aurait guère comprises. La méthode de la signora Varsini pouvait être excellente, mais Herbert n'avait pas beaucoup profité de ses leçons. Elle se croisa les bras, descendit l'avenue et prit un sentier qui conduisait à la maison. Elle monta droit à la chambre d'études et rencontra Cyril sur l'escalier. Il venait de s'habiller pour passer la soirée dehors. La gouvernante le prit brusquement par le bras, le poussa dans la salle d'études et ferma la porte. « Mais qu'est-ce qu'il y a donc, mademoiselle ? » demanda Cyril, qui croyait l'air furieux de la jeune fille. qu'elle allait exécuter sur lui quelque vengeance sommaire. « Cyril, vous, dites-moi, où est-ce que Herbert bat tous les soirs? Tous les soirs, tous les soirs !» Cyril ouvrait de grands yeux. « Est-ce que cela vous regarde, mademoiselle ? » répliqua-t-il. « J'ai des raisons pour le savoir. Cela suffit, monsieur Cyril. Où va-t-il ? Il sort. » L'institutrice frappa du pied. « Je sais aussi bien que vous qu'il sort. Je vous demande où il va. » « Comment est-ce que je le saurais ? Ce n'est pas mon affaire. Ne le savez-vous pas ? Non, je ne sais pas. » répondit franchement Cyril. « Supposez-vous que je l'espionne, mademoiselle ? Il m'aurait bien arrangé s'il m'y prenait. Je pense qu'il va au café. » La supposition excita la colère de l'institutrice. « Il vous a dit de me répondre cela ? » s'écria-t-elle, la menace dans la bouche et dans les yeux. Cyril ouvrait de plus en plus les yeux. Il ne pouvait comprendre en quoi les actions de Herbert concernaient la gouvernante. « Je ne le sais pas du tout, dit-il. Je ne sache pas que Herbert aille nulle part le soir. En tout cas, il ne me le dit pas. » Elle appuya sa main sur l'épaule de Cyril et approcha sa figure presque livide de la sienne. « Écoutez, mon ami, chuchota-t-elle, si vous jouez ce jeu-là avec moi, j'en jouerai un autre avec vous. Qu'est-ce qui apporte le manteau à cette boucherie et a changé l'argent ? Qu'est-ce qui a mis ce manteau du mauvais côté ? Croyez-vous que je ne le sais pas ? Ah, monsieur Cyril, il ne faut pas me conter ces farces-là à moi. » Cyril la regarda épouvanté. « Doucement !» chuchota-t-il en se tournant avec l'instinct de la terreur. « Oui, vous dites doucement. Je me tairai si vous ne me faites pas parler. Je me suis toujours tue. Vous me direz ce que je veux savoir et que je tairai toujours. »« Mademoiselle Barcini !» s'écria-t-il d'un accent qui ne lui permit plus de doute qu'il disait la vérité. « Je vous assure que je ne sais pas ce que fait Herbert. Je ne sais pas ce qu'il fait ni où il va. » Quand je vous ai dit que je le croyais au café, je vous ai dit ce que je croyais être vrai. Il peut être à 50 autres endroits. Dites-moi ce que vous voulez savoir, et je le découvrirai. Cyril n'était pas homme à épier son frère. Comme il l'avait fait remarquer, Herbert l'aurait arrangé, s'il s'en était aperçu. Mais Cyril se sentait au pouvoir de l'institutrice et à ses ordres. Maintenant, il aurait suivi Herbert jusqu'au bout du monde. Toutefois, elle ne lui ordonna rien, au contraire. Elle ôta sa main de dessus son épaule et ouvrit la porte. « Ce n'est rien, lui dit-elle. Je voulais apprendre quelque chose de M. Herbert, mais si vous ne le savez pas, tant pis, peu importe. » Cyril leva vers elle sa lâche figure. « Vous me garderez les secrets, mademoiselle ?»« Oui, quand les gens ne m'offensent pas, je ne leur fais rien. » Elle resta debout sur le seuil de la porte, réfléchissant. On entendit des pas, elle rentra dans la chambre et ferma la porte. C'était Herbert. Il entra dans sa chambre, y resta quelques minutes, puis ressortit. Mademoiselle entr'ouvrit la porte lorsqu'il redescendit. Son œil perçant reconnut qu'il venait de donner une dernière touche à sa toilette, de se brosser les cheveux, de se friser les moustaches. « Et c'est ainsi que vous vous faites beau pour aller au café, » murmura-t-elle en le suivant du regard. « Je le saurai bien, monsieur. » Elle monta dans sa chambre, elle sortit de sa malle un long manteau de drap noir, comme en portent les paysannes de la Flandre, et un grand bonnet de soie noire. C'était son costume de voyage. Elle s'en revêtit, ferma sa porte à clé et descendit à la salle à manger aussi furtivement qu'elle y était montée. Passant par la fenêtre ouverte, elle marcha le long des arbres de l'avenue et gagna la grande route. Il faisait nuit, mais elle ne tarda pas à reconnaître Herbert devant elle. Elle pressa le pas tout en gardant une distance respectueuse. Il traversa la ville, enfila la route de Londres et entra dans le champ d'Atterley. L'institutrice le suivait toujours. Là, elle s'arrêta sous la haie, et quelques minutes après, elle put distinguer qu'il était rejoint par une jeune fille qui l'accueillit d'un air de respect et d'affection. Un cri aigu traversa les airs. Herbert tressaillit. « Qu'est-ce que c'est que cela ? » s'écria-t-il. Anna n'avait rien entendu. « C'est peut-être un des moutons, Herbert ?» Non, non, c'était plutôt la voix d'une personne qui souffre. Ils n'entendirent plus rien. Ils commencèrent leur promenade habituelle sous la charmille, Anna au bras de Herbert. Mademoiselle pouvait voir autant que le permettait l'obscurité, mais elle ne pouvait entendre. Sa figure, abritée sous son grand bonnet noir, ressemblait à celle d'un tigre. Elle retourna sur ses pas. Elle avait remarqué en entrant dans le champ un portail de fer qui conduisait dans le jardin que bordait la haie. Elle s'y dirigea en rampant, le trouva fermé. Il était garni de pointes, mais la signora ne s'inquiétait pas pour si peu. Elle passa par-dessus. Maintenant, comment atteindre la place où il se trouvait ? Serait-elle arrêtée ? Arrêtée, elle ? Non. Elle se pencha, ôta ses bottines et marcha sans bruit. Elle était là, presque d'aussi près que l'un de l'autre. Où donc la signora avait-elle entendu cette voix douce et timide? Oui, c'était bien avec Mademoiselle Lashley qu'elle avait vu cette mignonne jeune fille en costume de quakeresse. La signora s'agenouilla sur la terre pour mieux entendre. Les écouteurs n'apprennent rien de bon, dit avec raison le proverbe. Herbert expliquait son arrivée tardive en la mettant sur le compte de l'institutrice. Il faisait une description de sa conversation avec elle dans le jardin, fort amusante à coup sûr, mais fort peu flatteuse. Anna riait, et l'Italienne comprit que ce n'était pas la première fois qu'elle était en butte à leur plaisanterie. Elle attendit que l'entrevue fût achevée. Quand Herbert fut parti, elle remit ses bottines et grimpa sur le portail, mais elle n'était plus aussi agile, et une pointe de fer la blessa au poignet. Passant son mouchoir autour de son bras pour arrêter le sang, elle retourna au clos de Poméranie. On l'accabla de questions lorsqu'elle entra au salon, aussi impassible que d'habitude. Pas une de ses tresses noires n'était en désordre, pas un pli de sa robe n'était froissé. Sa non-apparition à l'heure du thé avait excité la surprise. Mina avait tambouriné une balle sur la porte de sa chambre, mais mademoiselle n'avait voulu ni lui ouvrir ni lui répondre. « Je ne puis pas parler quand j'ai une de ces vilaines migraines, » expliqua mademoiselle. « Avez-vous mal à la tête, mademoiselle ?» demanda Madame Dare. « Voulez-vous qu'on vous apporte une tasse de thé ?» Mademoiselle refusa, elle n'avait pas soif. « Qu'est-ce que vous êtes donc fait au poignet, mademoiselle ?» demanda Herbert, qui était étendu sur un canapé à l'autre bout du salon. « Mon poignet ? Oh, je me suis égratigné. »« Comment avez-vous fait ? Oh, ce n'est rien, » répondit mademoiselle.